Chapitre 6e, deux accidents. Avec fracas, le train traverse la petite station de Bazancourt sans s'arrêter. Nous sommes de nouveau en pleine campagne. Le soleil brille dans un ciel sans nuages au-dessus des terres désertes. Une brume légère voile l'horizon. Malgré la vitesse, l'air est chaud qui pénètre dans le compartiment. Il sent la poussière et le charbon. Mademoiselle Alstine a tiré le rideau bleu sur la fenêtre ouverte. Il palpite comme l'aile d'un gros oiseau prisonnier. Ma compagne a clos les paupières. Veut-elle cacher ses larmes ou s'est-elle assoupie dans son chagrin? Non. Elle rassemble ses souvenirs. Elle reprend au bout d'un instant. Mon père me paraissait de plus en plus préoccupé. Il était sombre, inquiet. Je n'osais lui en demander la cause, mais je décidai de questionner mon frère, le soir même, à l'heure du dîner, lorsqu'il serait de retour. Lucien me considérait toujours comme une petite fille et ne me confiait point ses secrets. J'ignorais tout de sa vie sentimentale, ce qui est assez naturel. Mais grâce à certains indices, j'étais arrivé à le soupçonner de faire la cour à Madame Thévenel. J'ignore s'il avait rien obtenu d'elle. Mon frère rentrait avec sa moto, Marc Alstein, en retard depuis quelque temps. Mon père, qui n'aimait pas attendre, lui fit des remontrances à ce sujet. Ce soir-là, je l'attendais avec impatience pour lui demander la cause des préoccupations de mon père. L'heure du dîner arriva sans que Lucien eût paru. Nous décidâmes de nous mettre à table sans lui. Nous devions en effet assister à 5 heures à l'inauguration du théâtre de Monzy. C'était une solennité à laquelle mon père avait été spécialement convié. Le dîner se passa tout entier sans que nous eûmes entendu la trompe de la moto de mon frère. Il ne négligeait jamais de nous avertir par quelques sonneries de son retour. « Il exagère, » dit mon père courroucé, en se levant de table après le café. Avait-il appris l'idylle de Lucien avec Madame Thévenel? Je le crus. Je crus aussi que mon père songeait à l'effet produit sur ses électeurs et sa future candidature aux élections législatives. On lui reprocherait d'avoir un fils qui débauchait les ouvrières de l'usine paternelle. Quel beau sujet de polémique! Mon père passa dans son cabinet de toilette pour se raser et s'habiller. Bien qu'il se fît scrupuleusement la barbe chaque matin, il ne manquait jamais de se raser également le soir, lorsqu'il lui arrivait de sortir. J'allais dans la cour, inquiète malgré tout de l'absence par trop prolongée de Lucien. Je l'aperçus enfin. Il arrivait à pied, tête nue, les vêtements déchirés et tout souillés de poussière. Je me précipitai vers lui. Ce n'est rien, petite sœur. Je vis qu'il portait une blessure au front. Je le pressai de me donner une explication. C'est un accident de moto, un accident assez curieux. Il pénétra avec moi dans la maison. Quand il fut assis, il m'assura qu'il avait fait une chute violente sans en comprendre la cause. Il allait à petite allure. Soudain, sa machine s'était positivement cabrée, puis jetée sur le côté. En vain, il avait examiné la route pour découvrir un obstacle inexistant. La machine était en miettes. Il avait échappé par miracle à la mort. Sa tête, heureusement, avait porté sur l'herbe épaisse au bord du fossé et le choc s'était trouvé amorti. « Je n'y comprends rien, » reprit Lucien. « Ma moto s'est cabrée. Absolument comme un cheval qui veut se débarrasser de son cavalier. « Bon, » fis-je malicieusement. « Tu étais un peu ivre. »« Ivre des baisers de Madame Thévenel. » Il me regarde avec surprise. « Comment sais-tu ? » ?»« Ah, j'y suis. Marc a dû s'apercevoir que je faisais 2 doigts de cour à cette jeune veuve. Il t'aura tout dit. » Je lui fais une cour toute platonique, d'ailleurs. Je n'en doute pas, dis-je en riant, mais n'accuse point Marc d'une indiscrétion qu'il n'a point commise. On parle de nous? Voilà qui serait embêtant. Je ne t'en ai parlé que pour cela. Notre père semble héritier de cette intrigue. Oui, on lui a dit. J'ai voulu t'avertir. Très embêtant. En d'autres temps, je me soucierais fort peu des racontars, mais aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on me crût absorbé par une amourette, alors que nous avons de si grandes préoccupations à l'usine. Lesquelles? Toujours ces accidents inexplicables. J'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. Et quoi donc? Peut-être papa est-il sur une piste. Il serait temps de mettre la main sur le coupable. Si toutefois il y a un coupable. Lucien avait ajouté à voix presque basse cette restriction qui me stupéfiait. Explique-toi, je t'en supplie. Je ne sais rien de plus, je te jure. Il se pourrait seulement que la situation fût plus sérieuse que nous ne le supposions. Je ne crois pas à des malfaiteurs comme ton fiancé. Il a peut-être raison contre moi d'ailleurs et je le souhaite. Je n'ai pas le temps de lui demander des précisions. L'auto s'avance et s'arrête devant le perron où nous sommes. Lucien s'approcha du chauffeur. Faites bien attention, Roger. Je vous recommande d'aller doucement et d'être prudent. Monsieur peut être tranquille. Après tout, achève Lucie entre ses dents, l'hôte est anglaise, elle ne sort pas de chez nous. Allons, je ne tirerai rien de plus de lui ce soir. J'ai hâte d'être au lendemain et de pouvoir questionner Marc à mon aise. Je regarde ma montre. Il est temps de partir. Comme je vais aller chercher mon père, il paraît d'un pas alerte comme à son ordinaire. Mais il me semble un peu pâle. Est-ce de voir Lucien dans cet équipage? Rapidement, mon frère le met au courant. La mine de mon père se fait plus soucieuse encore. Une ride profonde creuse son front. Lucien s'exclame tout à coup. « Comment, toi aussi, tu es blessé ?» Je remarque seulement que mon père porte sur le cou un pansement de taffetas anglais. « C'est trop fort. »« Oui, » explique mon père. « Je viens de me couper atrocement avec mon rasoir. Pourtant, je n'ai pas senti trembler ma main. C'est une chose singulière.